J'ai toujours été fier du talent que je possède pour tourner des phrases. Les mots sont à mon avis, qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. Ils peuvent à la fois infliger une blessure et y porter remède. Mais j'aimerais, cette fois-ci, modifier ce que j'ai déclaré précédemment. Faut que je ramène la coupe dans ma ville, le temps passe vite. Faut que je m'active pour mon père, pour ma clique. Faut que je m'applique, c'est automatique. Pour qu'on me dise laver mon chapeau l'artiste. Ils font payer leur feat. Où est passé mon hip-hop? Où sont passées les métaphores, les oxymores, les litotes? Leurs rimes sont pauvres, je paye un impôt sur la plume. Y'a trop de lacunes avec Olyon style sur la lune. Je claque des coupes et MC, je rappelle et dégoûte même si. J'écoute la foule qui bouge son boule sur toutes les bouses de MC. Je crois en mon âme sœur, reste plus qu'à la trouver. Les femmes c'est des puzzles et moi j'ai pas le temps de jouer. C'est le retour de Gainsbourg, poète sur écran plasma. Ils me parlent tous d'amour, pour l'instant je n'y crois pas. Comment veux-tu que j'y croie? On se croit sur la toile, on se doit, on se promet les étoiles. Ça finit mal, sans cesse ils m'agressent. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ils veulent tuer mes rêves, je serai leur pire cauchemar. Les rendez-vous avec la conseillère me donnent des idées noires. Ils appellent ça du rap, moi j'appelle ça de l'art. Ces mecs ne m'aiment pas, t'inquiète c'est réciproque. J'ai pas besoin de ta weed, t'as cru que c'était hip-hop. Je croise les doigts, je sais que tout arrive. C'est plus qu'un freestyle, c'est un bout de ma vie. J'suis perdu, perdu dans mes songes. Perdu entre les rêves, les promesses et les mensonges. Mec c'est l'enfer, l'avenir est flou. Ils ont pu le faire, alors dis-moi pourquoi pas nous. Je doute et je m'écroule, je veux pas finir à l'usine. Tenter le saut dans la foule, réussir dans la musique. Alors je rappe mais je reste cool, pour pas péter un fusible. Et j'y crois jusqu'au bout, dis-moi pourquoi pas nous. Écartelé entre mes rêves et les cours, la paix, la guerre et les coups. Faire de la musique tout court ou faire des sous. Dur de faire un choix dans cette foule. J'hésite pas facile de trouver sa voie. Certains brouillent les pistes, je décide de garder le sourire, d'éviter leur rage. Et toute la vie devant moi, j'en suis qu'à la première page. J'ai du mal à rentrer dans leur code et leur méthode formelle. Je n'ai rien en commun avec le commun des mortels. Je délie ma langue et lâche de langue dans le bocal. J'aimerais pendre la routine avec mes cordes vocales. Je les vois me cracher dessus et me maudire. Je garde mon sang-froid et mon stylo, je laisse les mots le dire. Je veux rester clean pour ne pas avoir à rendre des comptes. Vous vous rendez compte, c'est le début du succès. Le grand décompte, fais en profiter avant que tout s'arrête. Je suis pas de pec, j'ai pas de pec, ni de casquette, tu capes, mec. Alors je mate les étoiles défiler, ma mère voudrait me voir décider. Si je me perds dans ce dédale, c'est qu'il est aussi clair que mes idées. Je vais prendre le melon pour en récolter le fruit. Rien à foutre de tout leur rond, la musique n'a pas de prix. Ils parlent avant d'avoir fait, pense au chromé et au sou. Je ne suis pas un religieux car je ne crois pas en nous. C'est qu'on se noie dans leur bêtise, je peux être que désolé. Ils mettaient des bâtons dans nos roues, donc on s'est envolé. Je suis perdu, perdu dans mes songes. Perdu entre les rêves, les promesses et les mensonges. Mec, c'est l'enfer, l'avenir est flou. Ils ont pu le faire, alors dis-moi pourquoi pas nous. Je doute et je m'écroule, je veux pas finir à l'usine. Tenter le saut dans la foule, réussir dans la musique. Alors je rappe mais je reste cool, pour pas péter un fusible. Et j'y crois jusqu'au bout, dis-moi pourquoi pas nous. Dans ta tête, Harry. Pourquoi ça signifierait que ce n'est pas réel?